attendu mon tour et j'ai baissé les yeux. Quand il fallait la faire, je me suis mis à la queue. Oh oh, et ça ne m'excite pas vraiment. J'ai essayé le futur qu'on a choisi pour moi. C'était pas ma pointure, j'ai fait celui qui y croit. Oh oh, et ça ne m'excite pas vraiment. J'ai cru avoir gagné mon petit morceau de pain. Resté rien à manger quand j'ai eu vraiment faim. Des voisins qui mâchaient, j'ai regardé les dents. Et les leçons d'après, je les ai pris dans les gens qui laissent dans leur placard pour ouvrir la mayonnaise. Qui réserve pour s'asseoir deux fois plus de chaises. Oh oh, ça m'excite pas vraiment. Qui rêve d'un monde entier recouvert de verdure et se battent comme des chiens pour la plus belle voiture. Oh oh, ça m'excite pas vraiment. Pour devenir un vrai salaud, y'a personne devant moi, non, je voudrais la peau. Des voisins qui souriaient, j'ai regardé les dents. Et les leçons d'après, je les ai pris dans les jambes. Sa vie